Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, soyez tous les bienvenus à l'écoute de ce journal dont voici les titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI appelle les politiques qui vont battre campagne à la culture de tolérance politique. Dans cette édition, vous allez suivre le président de cette commission qui les appelle aussi à respecter l'ordre public et le centre de santé de Ruyaga. Nous sommes dans la commune Roron de la province Ngozi et débordé par les cas de paludisme. Le responsable de cette formation sanitaire indique que cette dernière fait face à un manque criant du personnel soignant. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Et le ministère ayant la solidarité dans ses attributions a eu un don de 14 tonnes de riz pour assister les victimes des inondations. Et comme tous les samedis, après ce journal, vous avez le droit à la revue de la presse. Bienvenue pour les détails. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page santé pour commencer cette édition. Insuffisance du personnel soignant au centre de santé de Ruyaga, commune de la province Ngozi. Le responsable de cette structure de santé l'a dit ce vendredi lors de la célébration de la journée internationale de lutte contre le paludisme qui a été célébrée dans cette commune. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique dit que le gouvernement burundais vient d'engager plus de 200 nouveaux infirmiers et demande aux responsables des bureaux provinciaux de santé de dispatcher ces derniers au centre de santé qui en ont tant besoin. Le point avec Aimé Richard Niyonkuru. Selon le responsable de ce centre de santé, cette structure de santé accueille autour de 100 patients par jour. Parmi eux, plus de 30 ont la malaria. Arkad Nizabahizi indique que ce centre de santé fait face à un manque de personnel suffisant. Notre centre de santé est trop débordé. Nous consultons plus de 2000 consultations par mois. Chaque jour, nous accueillons à peu près 100 patients par jour. Parmi 100 patients, nous obtenons 35 à 40 cas de paludisme par jour. D'où il faut augmenter le personnel de ces 10 centres de santé. Cette insuffisance du personnel soignant s'observe dans presque tout le pays. Selon le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique, Jean-Baptiste Nzorilonghangoudze, tranquillise toutefois que le gouvernement burundais a engagé de nouveaux infirmiers. Il appelle les médecins directeurs des bureaux provinciaux de santé à dispatcher ces derniers dans les localités les plus nécessiteuses. Ce n'est pas le CEDES Ruyaga seulement, c'est au niveau de tout le pays. Il y a préoccupation par rapport au personnel au niveau des formations sanitaires. C'est une question que le gouvernement a déjà pris en main. Nous venons de faire au niveau du ministère des affectations de prix de 200 personnels de santé au niveau des provinces sanitaires. C'est donc pour essayer de pallier à cette question d'insuffisance du personnel et nous interpellons les responsables sanitaires au niveau des provinces de bien faire une réaffectation de son personnel en privilégiant les formations sanitaires qui acquisent un besoin criant par rapport aux autres en personnel de santé. Les statistiques fournies par le ministère de la Santé publique montrent que 45% des patients qui se font consulter aux structures de soins de santé ont du paludisme. Au moment où le 25 avril de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le paludisme, au Burundi, cette journée a été célébrée ce vendredi 24 courant. Merci Aimé Richard Niyonkuru pour toutes ces précisions. Page société à présent. 14 tonnes de riz ont été données ce samedi par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement au ministère des Droits de la Personne Humaine et du Genre. Le ministre Dogui Derurema précise que ces vivres vont être distribués à la population victime des inondations. Je propose de le suivre. Dans l'évaluation que nous venons de faire très récemment, nous avons vu que dès 2015 à 2020, la production a doublé, presque pour toutes les cultures, et a tendance aussi de tripler pour certaines cultures comme le riz. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Premier facteur principal, c'est l'utilisation des semences sélectionnées et améliorées, et qui donne une production beaucoup plus grande au niveau de la population. Et pour ce qui nous concerne pour le riz, et nous sommes passés d'une tonne et demie à 3 tonnes dans le passé comme moyenne. Et cela, c'est un témoignage d'un bon rapport de recherche et développement et qui cherche à trouver des solutions auprès de la population. et nous sommes fiers de recevoir ces 14 tonnes de riz que nous allons donner immédiatement au ministère en charge de la solidarité et au ministère en charge de la solidarité, tout pour le bien du paysan. C'était le ministre Deogide Rurema. Vous nous excuserez pour les quelques imperfections dans cet élément sonore. Toujours page société, plus de 400 terres domaniales s'étendant sur plus de 4200 hectares ont été identifiées dans les communes de Nyabitsinda et Kinyinya de la province de Ruyigi. Certains chefs collinaires remarquent quelques manquements dans les rapports provisoires présentés aux chefs de ces communes. Au ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, l'on demande à la population de présenter ces imperfections observées dans ces rapports provisoires à l'administration communale. Jean-Claude Chimirimana. Selon les rapports provisoires présentés ce vendredi et jeudi respectivement au chef-lieu des communes Nyabitsinda et Kinyinya dans la province Ruyigi, 234 terres domaniales s'étendant sur une superficie de 2719,76 hectares ont été identifiées en commune Nyabitsinda. En commune Kinyinya, les terres domaniales identifiées s'élèvent à 182 et couvrent 1576,4 hectares. Pour les deux communes bénéficiaires du projet d'amélioration de la gestion et de la gouvernance foncière dans la province Ruyigi, les terres domaniales identifiées et délimitées s'élèvent à 416 et s'étendent sur 4295,81 hectares. Néanmoins, certains parmi les chefs collinaires qui ont assisté à la présentation de ces rapports provisoires remarquent certaines erreurs. À titre d'exemple, le chef de la colline Nyagitika en commune Nyabitsinda dit qu'il y a 4 propriétés foncières privées recensés parmi les terres domaniales et 4 autres dont les limites chevauchent avec celles des terres domaniales. Aussi, les chefs des collines Nyamigina et Musumba en commune Kinyinya disent qu'il y a des terres domaniales qui ne sont pas écrites dans ce rapport. L'expert foncier Jean Kabura demande à la population de respecter la délimitation des terres domaniales et de porter à la connaissance de l'administration communale tous ceux qui oseraient s'en accaparer. Au sujet des imperfections soulevées, dans Zojibgami, conseiller juridique au ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, demande à tous ceux qui voient des erreurs de les mettre à l'écrit et les transmettre à l'administration communale en deuil à 15 jours à compter à partir de ce lundi prochain. Jean-Claude Nshimirimana, depuis le chef-lieu de la commune Nyabitsinda dans la province Ruyigi, Radio Isanganiro. Isanganiro. La radio de l'avenir. La Commission électorale nationale indépendante CENI demande aux candidats qui vont se lancer dans la campagne électorale de le faire sous réserve du respect de l'ordre public. Dans un point de presse de ce samedi pour annoncer le contenu du décret portant ouverture de la campagne électorale, le président de la CENI, Pierre Claver Kadihisse, a indiqué qu'il y a des sanctions prévues pour ceux qui vont perturber l'ordre public. Je propose de le suivre. Les grands axes qu'on retrouve dans ce décret. Il y a d'abord la campagne électorale qui est ouverte à partir du 27 avril, qui va durer jusqu'au 17 mai. Et les activités de campagne ont lieu à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir. En dehors de ces heures-là, la campagne est interdite. Cette campagne se fait à travers des discours, des messages lus, chantés ou proclamés publiquement, des affiches, des réunions et, n'est-ce pas, par voie de presse. Et bien sûr, les partis politiques, les coalitions et les candidats indépendants peuvent utiliser les médias de l'État. Et en ce qui concerne les affiches, des emplacements spéciaux sont réservés à l'affichage et les candidats vont s'adresser aux commissions électorales communales indépendantes. C'est vrai, la propagande est libre, mais sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions légales et réglementaires sur les réunions publiques. La campagne étant libre, il est interdit quand même de procéder à des déclarations injurieuses et diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des autres candidats. Il est également interdit de chercher à influencer ou tenter d'influencer le vote, notamment par des dons et autres libéralités. De même, l'utilisation des biens ou moyens de l'État ou moyen public, n'est-ce pas, est interdit. Il est également interdit de distribuer, pendant les heures de service, sur les lieux de travail, tout document ou tout autre support de propagande électorale. Et bien sûr, il est interdit de procéder à cette distribution de documents dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires publics et privés. C'était Pierre Claver Cadis, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et les administrateurs des communes doivent bien organiser les programmes donnés par les représentants des partis politiques pour la propagande électorale afin d'éviter qu'ils se rencontrent sur un même terrain. C'est ce qui a été dit par le gouverneur de la province Poubanza ce vendredi lors d'une réunion qu'il avait organisée envers les partis politiques et l'administration. Certains participants à cette réunion ont soulevé certaines lacunes qu'ils demandent qu'elles soient corrigées. Space Caritas Kabanyana, correspondance. Dans cette réunion que le gouverneur de Poubanza a organisée envers les représentants des partis politiques et les administrateurs des communes ce vendredi, il a demandé que la propagande électorale soit organisée dans la paix et dans la transparence, tout en mettant en avant les programmes de développement qu'on a élaborés envers la population. Le gouverneur de Poubanza a recommandé que les représentants des partis politiques doivent donner bien avant, au moins 24 heures avant, le calendrier de propagande aux administrateurs des communes afin d'éviter que les partis politiques se rencontrent sur un même terrain. Il est également recommandé aux partis politiques de mettre sur tous les lieux de propagande des dispositifs de lavage des mains afin de prévenir la pandémie de coronavirus. Les participants à la réunion ont parlé de quelques inquiétudes, notamment certains membres du parti au pouvoir qui ont commencé la propagande électorale et jusque même dans les écoles. C'est le cas d'un militant de ce parti qui l'a fait mardi à l'école fondamentale de Moulin selon le représentant du parti CNL. Alexis Manilakiza a également déploré le fait qu'il y a des emprisonnements des membres de ce parti, arrestations qualifiées d'abusives. Le gouverneur a indiqué de son côté que la propagande électorale dans les écoles est interdite et celui qui le fait s'expose aux sanctions. Et concernant les membres du CNL emprisonnés, il a précisé qu'il va enquêter sur les mobiles de ces arrestations. Spécialitas Kabanyana, merci, Space Caritas Kabanyana de Poubanza. Rendons-nous à Kirundo où l'ivresse et la démonstration de bravoure sont parmi certaines des causes d'une intolérance politique entre les membres des différents partis politiques dans cette province. Cela s'est remarqué dans 5 communes sur 7 de cette province de Kirundo. Nous sommes au nord du pays. Cela a été dit par le gouverneur de cette province, Alain Tribert Moutabadi, dans une réunion de sécurité qu'il a tenue ce vendredi avec les forces de l'ordre, les administratifs et les représentants des partis politiques. Le gouverneur de Kirundo, Alain Tribert Moutabadi, appelle les politiques à veiller au respect mutuel et à préserver la cohésion sociale à la veille de la campagne électorale. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons la boucle de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elika Dogo pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, je cède le micro à Eline Benibigira et Jean-Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Un projet qui se saborde de lui-même, titre le journal Burundi Echo, évoquant un projet emblématique initié par le gouvernement depuis 5 ans. Il s'agit de la construction d'une zone économique spéciale, ZES en sigle. Un modèle économique utilisé par pas mal de pays pour booster leurs économies, précise un autre confrère, qui note que le processus est assez long. 6 sites ont été identifiés et c'est le site de Warubondo qui a été choisi comme le précise le décret présidentiel relatif cité par Burundi Echo. Ce journal spécialisé dans les questions économiques rapporte que la zone identifiée couvre une superficie de plus de 500 hectares et c'est un espace amplement suffisant pour ériger un parc industriel et commercial. Il trouve également que les autorités ont misé sur sa proximité avec la République démocratique du Congo pour promouvoir les exportations du pays. Toutefois, notre confrère laisse entendre que les économistes restent sceptiques quant à la plus-value des ZES, citant une étude commanditée par la Banque africaine de développement qui fait ressortir deux contraintes majeures, à savoir la faible gouvernance et l'instabilité. Étant donné que les questions de capacité institutionnelle et de volatilité sont caractéristiques des situations de fragilité, la mise en œuvre d'un programme des ES est très difficile dans ce cas, estime la BAD dans les colonnes de Burundi Echo. Revue de la presse. Appel aux leaders religieux d'être les artisans de la paix et de la cohésion sociale en cette période de l'avant-veille des élections. L'agence burundaise de presse rapporte ainsi les propos de l'ombudsman burundais Edouard Nduwimana à l'ouverture d'un atelier de deux jours organisé à l'intention des responsables des confessions religieuses du Burundi. Ce quotidien note aussi que, dans sa présentation sur le rôle des confessions religieuses dans la consolidation de la cohésion sociale, le spécialiste en communication sociale, l'abbé Dieudonné Nibidzi, a insisté sur la dimension pédagogique et éthique des églises qui doit transmettre les messages de valeurs spirituelles, humaines, sociales et universelles qui promeuvent la conscience individuelle ainsi que la pensée critique qui offre un modèle de gestion pacifique des conflits et doivent enseigner l'amour du prochain, le pardon et le respect de la personne humaine, écrit toujours la BP. Politique toujours avec Net Presse qui titre « Des politiciens de l'opposition restent sur leur soif ». Allusion faite ici aux réactions des partis politiques de l'opposition pour décrier le comportement du CNDD-FDD qui est déjà entré en pleine campagne électorale pour les échéances du 20 mai avant le sifflet de la Commission électorale nationale indépendante, avec comme exemple les effigies du candidat du parti au pouvoir dans plusieurs places publiques, ce qui est contraire au jeu démocratique en période des élections. Cette agence en ligne rappelle que la campagne pour les élections doit commencer au début de la semaine prochaine, lundi 27 avril plus précisément. Pour le journal Iwachu, la campagne électorale arrive dans un contexte hautement sensible avec la pandémie tant redoutée du coronavirus qui est déjà dans nos murs. Or, fait remarquer cet hebdomadaire, qui dit campagne électorale dit aussi foule, rencontres et rassemblements. Les stades et autres places publiques seront pleins de monde. Pourtant, aucun candidat, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, n'a jamais demandé de repousser l'échéance électorale. De même, personne n'a jamais dit « tant pis pour le Covid-19 ». Mais alors, s'interroge notre confrère, comment vont-ils procéder pour appeler les gens à la vigilance et en même temps les inviter à un grand raout? La question est sur toutes les lèvres. Certains ont peur de la propagation de la maladie pendant cette période. Pour eux, la Commission électorale nationale indépendante devrait réglementer la campagne. Comment? La réponse, ce n'est pas facile. Les dés sont déjà jetés. Rien ne va changer le calendrier électoral. L'éditorialiste de cet hebdomadaire compte sur le civisme et le patriotisme des candidats en lice qui, espère-t-il, ne cesseront de rappeler à leurs électeurs les mesures prises par les autorités sanitaires pour enrayer les risques de contagion au Covid-19. Et on termine cette revue de presse par l'éducation avec le journal La Voix de l'enseignant qui rapporte qu'au lycée technique communal de Rugombo règne un climat malsain né d'une dénonciation par 20 enseignants faisant le gros du personnel de l'école à propos d'une mauvaise gouvernance de l'établissement. Falsification des bulletins pour faire avancer des élèves qui n'ont pas réussi, octroi de diplômes aux élèves qui n'ont pas fréquenté l'établissement, absence de réunions pédagogiques, etc. Cet hebdomadaire de l'éducation écrit aussi qu'une délégation du ministère constate que 23 élèves ont avancé alors qu'ils avaient échoué. Le porte-parole promet une sanction aux auteurs et 4 enseignants syndicalistes signataires originaires d'autres provinces que Cibitoke et que le directeur de l'établissement tente de mettre à la disposition de la direction communale de l'éducation demande justice. Termine ce journal. Ainsi s'achève cette revue de presse présentée par Eli Nibel Nibigira et Jean Bosco Nduwimana. Restez branchés sur nos ondes.